franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Hergé, le père de Tintin, apôtre de la ligne claire. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Léo Kusten, réalisée par Michel Sidoroff. En 1924, à l'âge de 17 ans, un certain Georges Rémy, auteur de bande dessinée, prend comme pseudonyme les premières lettres de ses noms et prénoms, R et G, qui font Hergé. En un mot, la légende est née. Georges Rémy est né le 22 mai 1907 à Etterbeek, en Belgique. 24 albums des aventures de Tintin plus tard. Il meurt à l'âge de 75 ans à Woluwe-Saint-Lambert, toujours en Belgique, son pays. C'est en bas de ses cahiers d'écoliers et de lycéens qu'il dessine horizontalement les aventures d'un jeune garçon en prise avec l'armée allemande de la Première Guerre mondiale. En 1928, l'abbé Norbert Vallèze, directeur du quotidien catholique Le XXe siècle, confie à Hergé la responsabilité du supplément du journal Le Petit XXe, un supplément destiné, bien sûr, à la jeunesse. C'est le 10 janvier de la même année que Le Petit XXe publie la première des aventures de Tintin, Tintin au pays des soviets. L'abbé Vallèze, farouchement anticommuniste, décide lui-même d'envoyer Tintin en Russie bolchevique, comme il décidera plus tard de l'envoyer au Congo, ne serait-ce que pour montrer à quel point le paternalisme belge est un bienfait pour la population noire. Pour compléter le portrait de l'abbé de choc et Norbert Vallèze, il faut savoir qu'il entretenait une correspondance suivie avec Benito Mussolini, le premier homme politique à fonder une dictature fasciste en Europe. Un Vallèze qui publie régulièrement dans son journal des propos antisémites. Au printemps de 1934, Hergé fait une rencontre décisive pour la suite de sa carrière de dessinateur. Alors qu'il s'apprête à dépêcher Tintin en Chine, un étudiant chinois, Chang Chongyan, l'incite à s'informer sur le pays dans lequel son héros va évoluer. Par ailleurs, Chang, peintre lui-même, apprend à celui qui est devenu son ami à simplifier le trait de ses dessins. C'est ainsi que l'album Le Lotus Bleu verra le jour et bien plus tard, Tintin au Tibet. Durant la Seconde Guerre mondiale, Hergé collabore au quotidien Le Soir, un journal que ses compatriotes nomment Le Soir volé. En clair, le dessinateur détourne le regard des souffrances qu'endurent les peuples que les nazis veulent asservir. Le succès des aventures de Tintin est foudroyant, à tel point que Tintin au pays des soviets, paru à l'époque en noir et blanc, est publié une nouvelle fois en janvier dernier dans une version colorisée et le Grand Palais lui a consacré une expo. Un succès donc qui traverse le temps, dû à la clarté du récit, écrit comme un scénario de cinéma, dû évidemment à la magnifique lisibilité du trait, des personnages savoureux dont le capitaine Haddock, les Dupont, le professeur Tournesol et tant d'autres. Et puis tous ces personnages périphériques mais importants, ou héros d'un numéro de Tintin, le méchant du sceptre d'autocar par exemple, nommé Mustler, c'est une combinaison des noms de Mussolini et de Hitler, comme une sorte d'excuse. On verra. Après la fiction, nous continuerons à voyager avec Tintin grâce à Albert Algout, notre invité, auteur du dictionnaire amoureux de Tintin, édité chez Plon. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Hergé, le père de Tintin, apôtre de la ligne claire, de Léo Kusten. Une réalisation de Michel Sidoroff. Entrez. Je vous apporte les pizzas que vous avez commandées. Ah, vous vous serez trompé d'étage, jeune homme. Je ne crois pas. Ce midi, j'invite tous mes collaborateurs à déjeuner, alors. Alors ? 1 000 millions de 1 000 sabords ! Vous ne voyez pas que ce jeune homme se fait passer pour un livreur de pizza uniquement dans le but de vous rencontrer ? Décidément, je vous croyais plus fin. Bon, posez ces pizzas sur la table basse et dites-moi quel bon vent vous amène. Maintenant, asseyez-vous. Merci, monsieur Hergé. Qu'attendez-vous de moi, jeune homme ? Je suis étudiant en histoire. J'aborde le troisième cycle, celui du doctorat, et je souhaiterais faire ma thèse sur vous. Sur moi ? Grand Dieu ! Vous ne voyez pas, espèce d'analphabète diplômé, que vous êtes le grand homme de ce jeune homme ? Vous savez bien, mon cher capitaine Haddock, que je suis pudique et que je déteste me livrer. Espèce de porc-épic mal embouché ! Moi, je le sens bien, ce doctorant. Et vous aussi, d'ailleurs. Acceptez donc, vous ne le regretterez pas. Un dernier mot, Il se prénomme Romain. Vous ne dites rien? C'est donc que vous refusez? Non. Non, je réfléchissais à votre proposition qui m'honore, Romain. Vous connaissez mon prénom? Vous avez une tête à vous appeler Romain, voilà. Enfin, sachez que j'accepte de vous aider dans votre travail. Voilà qui est clair. Comme le tracé des dessins du père de Tintin. Une ligne claire qui n'est pas venue comme ça, toute seule, d'emblée. Et puis, une ligne claire qui, dans la vie du dessinateur, s'est parfois brisée. Hergé, c'est un pseudonyme, une signature, qui vient de la première lettre des noms et prénoms du dessinateur, lequel s'appelle Rémy Georges. Il est né le 22 mai 1907 à Etterbeek, en Belgique. Vous ennuyez les auditeurs avec vos commentaires secs, espèce de vieille perruche bavarde. Donc je dis stop. Pourtant, vous devriez être content. Je leur parle de votre créateur, capitaine. Que le grand cric me croque et me fasse avaler ma barbe si vous ne vous taisez pas sur le champ. Bien. Retour à la fiction. Retour à la naissance de la ligne claire. Et que ça saute. Peut-on dire que vous êtes un apôtre de la ligne claire? Apôtre, le mot est fort, non? La référence à votre éducation ultra-catholique. J'en suis peu ou prou revenu. Mais, je l'admets, elle a laissé des traces, un fond de droitisme. J'aime l'ordre, que voulez-vous? Nous en reparlerons, si vous voulez bien. Tout d'abord, je voudrais savoir comment vous avez appris à simplifier les traits de vos dessins. En fait, tout a commencé par une histoire d'amitié avec un jeune Chinois. J'avais annoncé dans le journal de Tintin que j'avais envoyé mon héros en Extrême-Orient. Et suite à cette annonce, j'ai reçu une lettre qui me disait ceci. Je suis aumônier des étudiants chinois à l'Université catholique de Louvain. Si vous montrez les Chinois comme les Occidentaux se les représentent trop souvent, avec par exemple une natte, qui était jadis un signe d'esclavage, si vous les montrez fourbes et cruelles, si vous parlez de supplices chinois, alors vous allez cruellement blesser mes étudiants. C'est donc à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir de l'album Le Lotus Bleu, que vous avez commencé à faire des recherches avant de lancer Tintin dans l'aventure. Exactement. L'aumônier en question m'avait adressé un jeune étudiant qui était dessinateur, sculpteur, peintre, poète, et qui s'appelait Chang Chongzhen. Ce nom, vous l'avez donné au petit Chinois que Tintin rencontre là-bas dans le Lotus Bleu. Il devient son ami et le sauvera bien plus tard dans Tintin au Tibet. Oui, Romain. Grâce à Chang, j'ai découvert une civilisation que j'ignorais complètement. Et en même temps, je prenais conscience d'une responsabilité. Et de ce jour, j'ai, à chaque fois, recherché de la documentation sur les pays et les populations qu'allait découvrir Tintin. Et si on parlait un peu de moi? Mon cher capitaine, je vous ai créé bien plus tard. Et de quelle manière? En noir et blanc, s'il vous plaît. Ainsi, les lecteurs n'ont pas vu, mais deviné, votre gros nez rouge d'ivrogne. Faucheton à la sauce tartare! Vous avez oublié de parler de mon grand cœur et de dire qu'au fil des aventures de Tintin, j'ai peu à peu laissé tomber le whisky. Alors que vous, en tout cas je me le suis laissé dire, vous ne rechignez pas devant de plantureux apéritifs avec vos amis de Moore, Martin et autres dessinateurs soifards. Si vous le dites. Ainsi, Chang est devenu votre ami pour la vie. Je dois tellement, si vous saviez, à Chang. Tellement. Il m'a tout appris. La ligne claire, c'est lui. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était en 1931. Un événement décisif dans ma vie, tant sur le plan artistique qu'humain. Puis Chang est rentré en Chine, et j'ai perdu sa trace. Mais vous l'avez retrouvé une cinquantaine d'années après votre première rencontre. Et le 18 mars 1981, vous avez pu serrer votre ami Chang dans vos bras à l'aéroport de Bruxelles. Un accueil émouvant que la télévision belge a immortalisé. J'aurais préféré des retrouvailles plus discrètes. Avant que nous ne reparlions de notre ami Chang, je voudrais que le commentateur dise un mot sur moi. Je le mérite, non? Un moment, capitaine, voulez-vous? Il me faut d'abord faire une petite introduction. Bien, mais pas trop longue, je vous prie. Le Crabe aux pinces d'or est le 9e album de bande dessinée des aventures de Tintin. Prépublié en noir et blanc du 17 octobre 1940 au 18 octobre 1941... dans les pages du Soir Jeunesse, supplément du journal Le Soir, un journal collaborationniste que les Belges appelaient « Le Soir Volé ». Bougre d'ectoplasme à roulette ! Travailler pour Le Soir Volé, c'était pas très glorieux ! Un chauffeur de bus qui continue à conduire son bus durant la guerre est-il pour autant un collaborateur ? Pourquoi n'en irait-il pas de même avec les dessinateurs ? Des dessinateurs, quoi qu'en dise Hergé, qui diffusaient les idées de l'occupant et des collaborateurs de l'occupant. Comme quoi un conducteur de bus et un artiste, ce n'est pas, dans ce cas, la même chose. 1 000 000 000 sabords, quand même ! Soutenir un journal qui publiait régulièrement des plaisanteries antisémites, moi je cautionne pas ! C'était l'air du temps. Il fallait bien que je mange. C'est ce que l'on appelle de l'opportunisme. Bien des amis de Georges Rémy ont fait un autre choix, celui de résister. Et si on en revenait à mon album ? La version couleur et actuelle du Crabe aux pinces d'or est parue en 1943. C'est l'album de Tintin qui a été le plus adapté au cinéma. Cet album est important parce qu'il introduit la présence du capitaine Haddock aux côtés de Tintin. Oh, enfin ! Si Milou, le chien de Tintin, nous montre parfois que l'on a des choix difficiles à faire, la chose devient encore plus réaliste avec ce nouveau personnage hautement humain, en qualité et défaut, qui tranche avec l'absence de scepticisme de Tintin. À travers lui sont traités des sujets sérieux portant sur des troubles de comportement graves, alcoolisme allant jusqu'au délire, colère et injures fréquentes, compulsion à la bagarre, et la volonté de montrer que derrière, il y a un être humain capable de grande sensibilité et générosité. C'est un homme mûr dont la personnalité évolue alors qu'il accompagne l'adolescent. L'humour utilisé par Hergé dans la description du personnage va permettre sa totale acceptation. Bien des choses seront dites et écrites sur cette figure paternelle. Au fond, Tintin, c'est vous quand vous sentez le besoin d'être héroïque. Les Dupont, c'est toujours vous quand il vous arrive d'être bête. Et le capitaine Haddock, votre serviteur, c'est encore vous quand vous avez besoin de vous extérioriser ou de vous mettre en colère. Pour en revenir à Chang... Chouette mal empaillé, vous avez assez parlé. Juste un mot, si vous le permettez, capitaine. Les parents de Chang étant pauvres, à la mort de sa mère, il est placé dans un orphelinat de Shanghai pour lui donner une chance. Son oncle était professeur de sculpture dans cet établissement et habitait à 300 mètres de là. Cet orphelinat était surtout une école d'art et d'artisanat, très connue à l'époque, tenue par des pères jésuites français. C'est donc là qu'il apprend notre langue. Je ne nie pas que ces informations fussent d'importance, mais maintenant je vous demande de vous taire. L'événement que nous allons vous conter étant particulièrement émouvant. En 1981, je le rappelle, mon créateur reçoit Chang à l'aéroport de Bruxelles. Je vais préparer mon mouchoir. C'est que je suis un être sensible, moi. Foi de loup-garou à la graisse de renoncule. Nous nous étions quittés alors que nous étions jeunes. Nous nous retrouvons au soir de notre vie. Chang, mon ami ! Ah, quel immense bonheur ! Madame, mon cher Georges, que tu me voles les mots à la bouche. Ton français, cher Chang, n'a pas vieilli. Une manière élégante, très chinoise, de dire que l'âge est bien là. Tournons-nous face aux objectifs des appareils de photo et des caméras. Après quoi nous irons nous réfugier chez moi. Tu es devenu célèbre, dis-moi. Et la faute à Tintin. Belle preuve de fidélité que d'avoir glissé mon nom dans deux de ces aventures. Merci, Georges. Tintin au Tibet, c'est avant tout une histoire d'amitié et de rédemption. Du jeune Chang que Tintin sauve, c'est toi qui cherche à me retrouver. Oui. Je sais que ces fichues années 60, c'est aussi une grande période de souffrance pour toi. Oui. Durant la révolution culturelle en Chine, j'ai été réduit à devenir balayeur. Mais au fond, comme tant d'autres. Et il n'y a rien de déshonorant à cela. Et puis, 10 ans plus tard, j'ai été nommé directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Shanghai. Tu vois, la route tourne dans un sens, puis dans l'autre. Quand je pense que dans certaines cases du Lotus Bleu, tu as dessiné des idéogrammes chinois signifiant « Abat l'impérialisme ». l'image d'une époque, comme la tension bien réelle entre mon pays et le Japon, que tu as su si bien rendre. Et si les jeunes vieillards que nous sommes devenus allaient se reposer. Benoît Peters, un tintinologue averti, résume ainsi la prise de conscience d'Hergé. Tintin, qui jusqu'au Lotus bleu se nourrissait allègrement de mythes et de poncifs, entreprend désormais de les combattre. Il sera celui qui démonte les apparences et non plus celui qui s'en satisfait. Hergé prend conscience de sa responsabilité de conteur. Désormais, il s'agit pour lui de présenter au lecteur une image aussi fidèle que possible des pays dans lesquels il envoie Tintin et donc de se documenter. Poncif, poncif, poncif vous-même! Tout ça est trop savant, trop scientifique pour moi. J'ai déjà perdu le fil. Je me permets simplement de vous rappeler que Tintin a toujours pris fait et cause pour les opprimés et que j'ai toujours été à ses côtés, souvent au péril de ma vie. Je ne mets pas en doute votre courage et votre amitié, capitaine. Mais je ne peux pas toujours dire ce que vous voulez entendre. Le temps m'est compté. Espèce de galopin, d'hérétique, dehors la loi! Comment osez-vous me parler ainsi? Alors que j'ai une grande révélation à vous faire. Ah! Oui, monsieur. Je vous écoute. Milou, le nom du chien de Tintin. Eh bien, vous ménagez vos effets, capitaine. Donc? Mon créateur, Hergé, en pinçait sec quand il était adolescent pour une jeune fille surnommée Milou. Vous voyez? Au fond, il lui est resté fidèle. Si on veut, Germaine, Fanny... Il les aimait sincèrement. Et le fait de quitter l'une pour l'autre, c'était pour lui comme le franchissement d'une ligne droite, d'un sens interdit. En somme, une transgression. Il en a été particulièrement malheureux. Et si nous redonnions la parole à Romain, notre doctorant? Sapristi, que voilà une bonne idée. Peut-être me mêlerai-je à leur discussion, histoire d'apporter quelques nécessaires précisions aux amours d'Hergé. Cette ligne claire dans l'élaboration de vos dessins vous a immensément réussi. Mais cette même ligne claire, comme conception morale, vous a fait souffrir dès lors que vous l'avez transgressée. Ce n'est pas faux, Romain. J'ai parfois eu l'impression de trahir ceux qui m'avaient tout donné. D'aller contre mon éducation catholique. En quittant votre épouse, par exemple? Une culpabilité bien lourde à porter. Oui. Disons qu'il y a eu des dégâts. Des dégâts dramatiques. Germaine et son incompréhension, son chagrin. Moi, je vous l'ai déjà dit, avec une sacrée dépression nerveuse. Si seulement elle avait été une épouse impossible, querelleuse ou que sais-je encore. Mais non, c'était parfait. Trop parfait même. Mais nous évoluions chacun dans un sens différent. Pendant trop longtemps, mes vraies tendances avaient été étouffées par elle et par l'abbé Wallet, dont elle avait été la secrétaire. Si je comprends bien, vous me dites que l'abbé Wallet et votre ex, tous deux d'extrême droite, vous auraient imposé leurs opinions? Pourquoi ne pas dire plus franchement que vous n'aimiez plus votre femme et que vous la quittiez pour une autre? Ce petit vermicelle de Romain a pris du poil de la bête. J'admets tout ce que vous voulez. Et puis, voyez-vous, j'aime l'ordre, d'où ce petit fond de droitisme qui fait partie de ma personnalité. Petit... À ce propos, je voudrais revenir à l'abbé Norbert Wallet, monsieur Rémy. Un homme qui m'a donné ma chance. Durant une période où de nombreux Belges ont choisi de combattre l'idéologie nazie. Dans mon album Le Sceptre de Tokar, paru en 1939, le méchant s'appelle Mustler. Une allusion évidente à Mussolini et Hitler. C'était une manière pour moi de prendre mes distances avec l'extrême droite. Tout en continuant de travailler pour le sulfureux abbé Wallet, qui était directeur du quotidien catholique conservateur Le XXe siècle, un antisémite notoire, admirateur du fascisme italien. Si vous voulez me faire dire, Romain, que l'abbé Wallet entretenait une correspondance régulière avec Mussolini, ma réponse est oui. D'autant qu'un portrait du dictateur trônait dans son bureau. J'ajoute que tout cela relève d'une époque. J'ajoute aussi que l'abbé m'a nommé directeur du supplément jeunesse, le petit vingtième. J'ajoute enfin que Germaine baignait dans cette morale, à laquelle elle est restée fidèle. Vous avez omis, mon cher Romain, de dire que l'abbé Wallet était farouchement anticommuniste. Du coup, c'est lui qui m'a incité à dessiner mon tout premier album, Tintin chez les Soviets. le 17 février 1952... Ah, je vois où vous voulez en venir. Décidément, Romain, vous ne m'épargnerez rien. Le prix de l'admiration. Le 17 février 1952, donc, vous avez vraiment franchi la ligne droite. Tu n'es pas obligé de rouler aussi vite, Georges. Mais t'as vu la petite Renault devant nous? Elle se traîne. Son chauffeur, lui, conduit prudemment. Par ailleurs, Germaine, je ne veux pas faire attendre mon interlocuteur. Un retard est préférable à un accident. Tu n'étais pas obligé de m'accompagner comme ça, inopinément. Mon rendez-vous avec Alexandre Ananoff est important. Attention. Oh. Je souhaite lui soumettre la maquette de ma fusée. Alors qu'il est sur le point de prendre un avion pour les États-Unis. Ralentis, s'il te plaît, Georges. Ah, mais... Et puis c'est Ananoff, tu le verras à son retour. Il est, tu ne le sais peut-être pas, l'un des plus grands spécialistes de la conquête spatiale. C'est miracle qu'il ait accepté de me recevoir. Il est le seul à pouvoir me dire si la fusée de mon prochain album est réaliste ou pas. Oh. En ce sens, Georges Chéri, une fois de plus, tu es dans l'air du temps. Et je suis sûre que ton objectif lune passionnera tes lecteurs. J'espère bien, vu tout le mal que nous nous donnons. Je prévois déjà une suite à Objectif Lune. Quelque chose comme On a marché sur la Lune. Bon, pour le moment, c'est encore à titre de travail. 1 000 milliards de 1 000 sabords. Je me souviens que dans On a marché sur la Lune, j'ai été entraîné par un petit corps céleste et satellisé autour de lui. Une expérience inoubliable, foi de trompe-la-mort. Oh, quand je pense aux deux Dupont qui sur la Lune tombent sur leurs propres traces de pas et qui concluent « Impossible que ce soit un d'entre nous, il y a deux traces parallèles et nous sommes seuls !» Dupont et Dupont ne font qu'une seule et même personne dans leur esprit. Dieu qui sont bêtes, ces grotesques polichinelles. Une fois de plus, Georges, je te demande de ralentir. Mais tu vois pas à quel point les routes sont étroites et sinueuses? Je boude d'impatience derrière cette petite Renault qui roule à reculons. Il serait dangereux de la doubler, tu n'as aucune visibilité. Eh bien, je vais la doubler quand même. Ne joue pas à l'enfant, Georges, nous arrivons dans un virage. C'est maintenant ou jamais. La voiture en face! L'état de Germaine était si sérieux qu'il a fallu l'opérer lourdement. Après quoi, elle est restée de longs mois clouée sur un fauteuil roulant. Quant à sa rééducation, elle a été interminable. En fait, elle subira les séquelles de l'accident jusqu'à la fin de sa vie. Mais elle me survivra. Vous voyez bien que je suis très malade. Si je n'ai pas été blessé physiquement, je l'ai été sur le plan émotionnel. Terriblement. À quoi s'est ajouté un vif sentiment de culpabilité. Et Germaine m'en a longtemps voulu du comportement irresponsable que je lui ai fait subir. Voilà ce qu'il en coûte de ne pas respecter sa ligne de conduite. Au fond, un accident qui vous arrangeait bien, comme si inconsciemment vous vouliez tuer Germaine. Là, Romain, vous allez trop loin. Hergé divorcera peu de temps après, une épreuve qui ne correspond pas non plus à sa ligne de conduite. Il faut dire qu'une certaine Fanny Vlaminck fait alors son apparition dans la vie d'Hergé. Elle est coloriste dans l'équipe du dessinateur, de 27 ans sa cadette. Fichu galopin, garnement, sacripant, gyroscope! Et si vous disiez tout simplement, monsieur Hergé, qu'à ce moment-là, vous aviez une soif de vivre insatisfaite? Il y a de ça, capitaine. Vous êtes un fin psychologue. 1 000 marmottes, 1 000 millions de 1 000 sabords, flibustier d'eau douce. Vous étiez amoureux, quoi. Un homme comme les autres, transgressif parfois. Oui, j'avais envie de connaître, envie de voir. J'avais tout simplement envie de vivre. Et Fanny m'a en quelque sorte permis de réaliser mes rêves, de dédramatiser avec humour les aléas de la vie. Oh, Fanny a la même rigueur morale que Germaine. Une rigueur morale toutefois plus détendue, moins rigide. En 1955, le total des ventes... Je déteste quand vous prenez ce ton sérieux, monsieur le commentateur. Je crains que vous n'ennuyiez nos auditeurs. Et si pour une fois, tonnerre de Brest, vous me laissiez parler sans m'interrompre? Faites, mon ami, faites. Merci. Où m'en étais-je? Ah oui. Début 1955, le total des ventes des albums des aventures de Tintin s'élève à 4,5 millions d'exemplaires, un phénomène qui n'échappe pas aux médias, qui s'intéressent de plus en plus au père de Tintin. La prospérité des studios Hergé est telle que l'entreprise engage de nombreux collaborateurs, dont la coloriste Fanny Vlaminck. Jus de poubelle! Ectoplasme! Non mais... Les deux volets de l'aventure lunaire, Objectif Lune et On a marché sur la Lune, ont été publiés en 1954, 15 ans avant la mission Apollo 11 et avant même le premier satellite Spoutnik. L'exotisme absolu selon Hergé. Ainsi, le dessinateur précède ou colle à l'actualité sur fond de guerre froide. Les femmes, Milou, Germaine, Fanny et... La Castafiore est la seule héroïne des aventures de Tintin. Pourquoi n'y a-t-il pas de femmes dans vos bandes dessinées? C'est exact, Romain, qu'il y en a peu. Mais ce n'est pas par misogynie. Non, simplement, la femme n'a pour moi rien à faire dans un monde comme celui de Tintin. C'est le règne de l'amitié virile, et elle n'a rien d'équivoque, cette amitié. Ou alors ce sont des caricatures, comme la Castafiore. J'aime bien trop la femme pour la caricaturer. Et d'ailleurs, jolies ou pas, jeunes ou pas, les femmes sont rarement des éléments comiques. Et il en va de même dans toutes les civilisations. La femme est avant tout un objet de respect. Est-ce que c'est le côté maternel de la femme qui ne prête pas à rire? Vous auriez pu, avec votre talent, créer une héroïne aussi respectable que les Tintins côté mâle. Et je n'oublie pas les propos sexistes que vous avez tenus. Des propos sexistes? C'est un peu exagéré. Je me contentais de dire que je trouvais les femmes bavardes. La Castafiore, elle, n'est pas seulement bavarde, mais volubile. De surcroît, elle est bien charpentée et dotée d'une voix puissante. Son morceau de bravoure, le seul et unique qu'elle interprète durant les 7 albums qui la voient participer aux aventures de Tintin, est L'air des bijoux, chanté par Marguerite dans l'opéra Faust de Charles Gounod. Castafiole, catastrophe, castapipe, une caricature. Au fait, c'est quoi son nom déjà? Vous êtes de mauvaise foi, capitaine. Tout ça parce que ma Castafiore vous appelle Karpok, Kodak, Arok, Arok'n'Roll, etc., etc. Est-ce que le personnage de Tintin a été influencé par les 12 ans durant lesquels vous avez été scout? Sans aucun doute. Saviez-vous que le totem que j'ai reçu était Renard Curieux? Un totem qui aurait pu être celui de Tintin, tant sa curiosité et son besoin de faire le bien sont insatiables. Exactement. Influencé par le scoutisme, Tintin lutte contre le mal en général, ou du moins contre tout ce qu'il estime être le mal. Par les cigares du pharaon, le lotus bleu et le crabe aux pinces d'or, il affronte des trafiquants de drogue. Dans Coke en stock, il lutte contre des marchands d'esclaves. Dans l'affaire Tournesol, il cherche à empêcher deux états imaginaires, la Sildavie et la Bordurie, de s'emparer d'une arme qui pourrait se révéler encore plus destructrice que la bombe atomique. Maintenant, Renard Curieux est fatigué. Il faut qu'il regagne sa tanière. À demain, Romain. À demain, monsieur Rémy. Et merci. Le succès des aventures de Tintin est immense. Plusieurs centaines de millions d'exemplaires vendus. Il tient tant par la clarté du dessin que par celle de l'histoire. Des histoires toujours aussi palpitantes pour qui prend la peine de lire ou relire les 24 albums de la série. Je ne cherchais pas simplement à raconter une histoire. Je cherchais avant tout à la raconter clairement. Une histoire, quoi qu'on fasse, est toujours porteuse d'un message. Conscient ou pas, je me suis exprimé dans ce que j'ai écrit et dessiné. Sans le vouloir et sans le savoir, j'y ai mis ce que je pensais, ce que je sentais, ce que j'étais. Je travaillais trop pour avoir le temps de m'analyser. Et au fond, c'est cela qui est bon. Ne pas trop réfléchir. Ne pas se pencher perpétuellement sur soi-même. Faire d'abord. Voir ensuite. Voilà que la Castafiole revient, tonnerre de Brest. Elle me poursuit de son affection, et moi, je m'enfuis. Cataplasme, bayadère de carnaval, catastrophe. J'échange une bouteille de whisky contre la castapipe. Diables, mille sabots, gargarisme, nictalin. C'était Hergé, le père de Tintin, apôtre de la ligne claire, de Léo Kesten, avec Bernard Lanneau, Nicolas Racca, François Sienner, Sophie Dole, Michel Derville. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Lidouine Caron. Assistant à la réalisation, Lélio Ploton. Réalisation, Michel Sidoroff. Colore le monde, sans feutre, sans épreuve ni bombe. Indolore les murs, écoule dans le fleuve la facture en monnaie de singe, fraîche, blanche comme le linge. À jamais. Car le temps colore la foule, colore mes veines. Chaque jour il me révèle en chair de poule, en policière. Et la foule sort de mes veines. Oui, comme le temps. Tintin, je crois qu'il incarne un jeune homme, je ne vais pas dire idéal, mais un jeune homme qui est bon, qui est intelligent, qui ne dédaigne pas l'action pour autant. Et quels sont ses traits caractéristiques ? Mais je crois que vous venez de les dire à peu près toutes, c'est-à-dire en disant que c'est le jeune homme idéal, trop idéal, il est parfait, trop parfait, plus que parfait, par conséquent un peu inhumain, un peu monstrueux même, mais je crois que tout compte fait, du fait qu'il ait toutes ces qualités, les enfants peuvent trouver en lui tous les exemples possibles. Est-ce que vous avez eu pour créer Tintin un modèle réel à l'époque, ou est-ce qu'il sort directement de votre imagination ? Il sort de mon imagination. Je n'ai pas eu de modèle. Ou si j'en ai eu un, il est possible qu'après coup, je me rende compte après coup que j'en ai eu un. Mais à ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte. Et ce modèle, dont j'étais inconscient, Donc c'était mon frère, un jeune frère qui avait une tête ronde, des petits cheveux un peu dans le genre de Tintin, qui vivait d'une façon très active également. Mais de tout cela, j'étais inconscient. Et pour moi, c'est vraiment l'imagination et puis aussi la paresse qui m'a dicté un personnage comme ça. Faire une petite tête toute ronde, c'était beaucoup plus difficile, beaucoup plus facile à dessiner que de faire un visage humain. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Hergé, le père de Tintin, apôtre de la ligne claire. Notre invité, Albert Algou, auteur du dictionnaire amoureux de Tintin. Bonjour Albert Algou. Bonjour. Vous êtes humoriste, écrivain, décalé, journaliste, d'abord professeur de français. Vous devenez amuseur à la radio, ici même, à France Inter, et puis à la télé de 2003 à 2005. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Fluide Glacial. Et alors, vous avez beaucoup écrit sur Tintin. Je vais donner la liste. Je vais donner la liste parce qu'elle est impressionnante. Mon Dieu. Tintinolatrie, ça c'était en 87. Puis ensuite, alors je donne pas toutes les années, hein, ça va être trop long. On a eu le Haddock illustré, le Tournesol illustré, le Dupont sans peine, l'Archipel Tintin. La Castafiore, biographie non autorisée, aux éditions Chifflet, puis le petit dictionnaire énervé de Tintin et le dictionnaire amoureux de Tintin chez Plon qui est sorti l'an dernier. Voilà, écoutez tous les deux, Tintinabulon ensemble. Voilà, alors vous êtes... est-ce que vous êtes un Tintinolâtre déjà? Parce qu'on peut aimer une œuvre d'art sans être complètement le fan absolu, sans tomber toujours dans la géographie. Oui, Tintinolatrice, c'était histoire d'avoir un titre qui frappe un peu, puis c'était mon premier bouquin. J'étais moi-même surpris qu'il ait pu être publié. je suis un admirateur de l'œuvre d'Hergé. Je suis pas un admirateur inconditionnel de la personne d'Hergé. Hergé, pour moi, est un grand artiste, mais c'est un grand artiste contradictoire. C'est un type beaucoup plus complexe qu'il ne le laissait paraître. Il mentait beaucoup dans les interviews. Il y avait beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de choses qu'il ne disait pas par pudeur ou par je sais pas, par névrose. C'est un artiste extrêmement intéressant, tant du point de vue graphique que du point de vue des scénarios, comme vous l'évoquiez dans votre introduction tout à l'heure. Dans l'archive, on entendait « Tintin est parfait, donc c'est un garçon parfait qui réussit tout. Est-il trop parfait jusqu'à être froid ?» Tintin n'est pas du tout parfait. Tintin, par exemple, est hanté par la folie en permanence. La folie est omniprésente dans les albums, l'air de rien. C'est sous la forme du Rajaïja, le poison qui rend fou. Ce sont des asiles, ce sont des psychiatres très inquiétants. C'est Tintin qui a peur de devenir fou. Il y a une raison à ça, entre autres, une des raisons. C'est que la mère d'Hergé est morte folle en 1946. Et il y a des choses très troublantes. Dans Les Sept Boules de Cristal, lorsque Tintin va visiter les savants de l'expédition qui sont tous frappés de folie à cause de la malédiction de l'Inca, au même moment, Hergé rendait visite à sa maman, qui était folle, mais quand on dit folle, c'est-à-dire qu'elle était entravée, elle tenait des propos incohérents, ça a été un drame pour lui. Et donc, il exorcise cette peur de la folie dans les albums à de nombreuses reprises. Donc, Tintin n'est pas un personnage aussi simple qu'il y paraît. Les BD, j'allais dire, cathos ou communistes, qui relevaient presque de la propagande ou de l'idéologie, elles ont vieilli et plus personne s'y intéresse. Or, Tintin, des enfants ont continué à le lire aujourd'hui, des adultes. Aujourd'hui, oui, bien sûr. C'est une BD pour enfants et adultes, c'est les deux à tiroir. Oui, parce qu'il y a des niveaux de lecture très différents. Ça, oui. Un enfant qui ne sait pas lire peut s'intéresser uniquement aux facéties de Milou, aux mimiques ou au visage du capitaine Haddock. Un enfant un peu plus âgé, bon, ça va être l'aventure, l'exotisme, etc. L'adolescent va peut-être se détacher et puis l'adulte va retrouver d'autres choses. Il va voir les parallèles qu'il peut y avoir avec l'histoire. C'est une œuvre qui a des niveaux de lecture, donc c'est une œuvre complexe dont la trame est très très riche. On va commencer votre dictionnaire par la lettre A, ça paraît logique. Et dans la lettre A, il y a antisémitisme. Oui. Qu'on a souvent attribué à Hergé. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Il est absolument incontestable qu'Hergé a baigné dans un milieu, vous l'évoquiez, l'abbé Wallace, oui. Qui était un admirateur du Mussolini, qui était maurassien, qui n'était pas pro-nazi, parce que lui, il rêvait d'une association de la Belgique et de la Rhénanie. C'était une espèce de rêve crypto-facho, je ne sais pas comment dire. Hergé a baigné dans ce milieu des intellectuels de droite, etc. Mais le grand mérite d'Hergé, c'est d'avoir évolué tout au long de sa vie. Et après la guerre, face à l'évidence de l'horreur et de l'ignominie des idées, tout en restant fidèle à certains de ses amis qu'il a aidé après la guerre. Mmh. Il s'est posé des questions, il a évolué. Ça, je le sais, par exemple, de Pierre Sterckx, qui était un historien de l'art, qui est hélas disparu l'année dernière, qui était beaucoup plus jeune qu'Hergé, qui a formé Hergé à l'art contemporain. Et Pierre Sterckx et d'autres gens peuvent témoigner que Hergé n'a pas persévéré dans ces idées-là, bien au contraire. Mmh. Et à propos de l'antisémitisme, très rapidement, dans Les Bijoux de la Castafiore, il y a une intrigue, j'allais dire parallèle, c'est celle des tziganes qui sont accusés d'avoir volé les fameux bijoux. Or, ce que dit Hergé des tziganes, c'est ce qu'on disait des juifs avant la guerre. Et moi, je vois une métaphore pour exorciser justement ces vieux démons. Et Pierre Sterckx m'a dit, un jour, il regardait un documentaire sur les camps de concentration, il se tourne et Hergé pleurait. C'est-à-dire, c'est certainement de la honte, du regret, mais accrocher cette accusation à Hergé sur toute sa vie, c'est infâme. Pareil pour le racisme de Tintin au Congo. Ah oui, après, justement, est-ce que c'est une BD néocolonialiste ? Oui, bien sûr. Congo-Congo-Belge, évidemment, mais, il n'y a pas de bien hasard. Sûr, il faut la resituer dans le contexte. Elle lui est commandée, il a 22 ans, ça lui est commandé par un abbé d'extrême droite, mais néanmoins, il y a dans Tintin au Congo de la facétie, il y a de la fantaisie, et après, Hergé a montré, en prenant la défense des Incas dans le Temple du Soleil, en prenant en luttant contre l'esclavage dans Kokanstok, à bien des reprises, il s'est complètement dépris justement du racisme, la défense des tziganes dans Les Bijoux de la Castafiore. Tintin au pays des soviets, là c'est pareil, il est tout jeune, il est au service de quelque chose de très anticommuniste primaire, comme on disait à l'époque, mais parce qu'il est jeune en fait, c'est bien ça. Bien sûr, c'est inspiré d'un bouquin qui s'appelait Moscou sans voile, que lui avait fait lire l'abbé Wallace, c'est une commande. D'ailleurs, l'abbé Wallace voulait des droits sur les bouquins, et après Hergé s'est un peu fâché avec le curé de choc, parce que justement, il allait se faire exploiter. Wallace, moi j'ai dit Valaise, mais effectivement... Non, je pense que vous avez raison, on ne dit pas des Wallons, on dit des Wallons. Donc oui, je pense que c'est Wallaise. Valaise, on ne va pas se battre pour non. ça. Dans le Lotus Bleu... Oui, par exemple, alors, pour la défense contre l'impérialisme japonais, la défense des Chinois, oui. Vous voyez, donc, on ne peut pas dire qu'il soit pro-impérialiste. Alors, Tintin, c'est évidemment une galerie de personnages plus attachants les uns que les autres. Albert Algout, si vous voulez bien, dans 3 minutes, on va aller en visiter quelques-uns de ces personnages. Ah, bah, volontiers. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand now. Stand by me. Albert Algou, nous parlons de Tintin, donc de Hergé. On a parlé de Hergé, on va beaucoup parler de Tintin maintenant et de sa galerie de personnages. Le petit monde de Tintin, c'est un peu comme le petit monde de Brassens, ça. Il y a des personnages oui, comme ça qu'on trouve. Comédie humaine, on pourrait dire. Comédie humaine. Alors il y a Milou. Est-ce que c'est un chien, Milou? Est-ce que c'est vraiment moi, un chien? Moi, longtemps, j'ai pensé que c'était une chienne parce que à plusieurs reprises, par exemple, il a une faveur rose autour du cou. On ne voit jamais sa zézette. Il faut savoir que Milou, c'était le surnom de la première petite amie d'Hergé. Donc c'est un clin d'œil. Donc de là à penser que Milou est une chienne, il n'y a qu'une patte de chien. Bon, alors il y a aussi évidemment le capitaine Haddock qui a géré la Terre entière. Qui est-il vraiment le capitaine Haddock? Céline et les Jurons, il y a un rapprochement, non? Bon, c'était la thèse d'un tintinophile qui s'appelle Émile Bramy, qui avait écrit, qui avait voulu démontrer que les Jurons du capitaine Haddock étaient inspirés par Céline. Moi, j'avais désossé cette thèse pour la dénoncer. Après, j'ai remis de l'eau dans mon whisky parce que c'est le cas de le dire, parce que effectivement, Hergé a dû lire Céline, mais je ne pense pas qu'il ait pris les insultes du capitaine Haddock chez Céline, parce qu'il y a une tradition de l'invective dans la littérature, que ce soit chez Tristan Corbière, chez Taillade, chez des pamphlétaires anarchistes, et chez Mirbeau, et chez les Belges, chez James Ensor, qui est un grand, grand peintre belge, on peut dire expressionniste, qui était un roi de l'invective, parce qu'il y a des écrits magnifiques de lui, et on peut dire aussi qu'Hergé s'est inspiré de... Je pense qu'il a fait son miel de tout un tas de choses. Alors, il y a peut-être un petit peu de Céline aussi, mais c'est vraiment pas fondamental dans les invectives d'Haddock, vraiment pas. D'accord, alors la Castafiore, elle est bien la Castafiore, je l'aime beaucoup. La cantatrice incroyable qui consacre tout un album, les bijoux de la Castafiore, qui est-elle vraiment, est-ce que l'on pourrait dire Castafiore? Bien sûr, Castafiore, alors j'avais publié un bouquin qui s'appelle Biographie non autorisée de la Castafiore, où je démontre, et les preuves sont solides, que c'est l'ultime castrat de l'histoire de la musique. Il y a bien des indices pour ça. Son surnom, c'est le Rossignol Milanais. Rossignol Milanais. Mmh. Je m'étais renseigné, j'avais écrit dans mon premier bouquin Tintinolatrie, j'avais écrit à la Scala de Milan au directeur pour lui demander des documents sur la Castafiore. Et le directeur m'avait répondu qu'elle n'avait jamais, jamais chanté dans son théâtre. En fait, Rossignol, c'était le surnom qu'on donnait aux castrats, les Rossignols napolitains. C'était une tradition, les castrats sont une tradition napolitaine. Et la Castafiore, en fait, est née à Milan d'une famille milanaise. Et à l'origine, c'était un garçon. Il y a bien des indices. Les castrats se trimbalaient, quand on connaît l'histoire de Farinelli par exemple, se trimbalaient avec des perroquets. Elle a toujours des perroquets avec elle, était couverte de bijoux, était toujours en retard, touchait des cachets mirobolants, était capricieux et souvent odieux. Et il y a énormément de similitudes entre la Castafiore et les castrats du passé. Et d'autres preuves que j'ai pas le temps là, d'énumérer ici. Mais la Castafiore, personnage admirable, est l'ultime castrat de l'histoire de la musique. Très bien, je reviens sur trois personnages récurrents, on va passer assez vite, mais les Dupont par exemple, ils servent à quoi? À nous faire rire, c'est tout? Ils sont inspirés du cinéma burlesque, que la maman d'Hergé a un rôle très important, on en a souvent peu parlé, donc je lui consacre une entrée dans mon dictionnaire. Elle emmenait Hergé enfant au cinéma, il allait voir Buster Keaton, Charlot, Laurel et Hardy, et les Dupont et Dupont, tout habillés de noir avec un chapeau melon, une canne, donc sont inspirés du cinéma muet, mais aussi de l'oncle et du père d'Hergé qui étaient jumeaux. Et Hergé a raconté plus tard, je m'en suis aperçu plus tard, quand l'un achetait une canne, l'autre allait en acheter une, quand il achetait un chapeau. Dans toute œuvre d'art, on fait feu de tout bois. Et dans le fagot d'Hergé, il y avait du burlesque, il y avait du cinéma, il y avait de la littérature, et il y avait des personnages familiaux. Tournesol, par exemple. Tournesol, alors on dit qu'il est inspiré du professeur Picard, à qui il ressemble comme deux gouttes d'eau. Picard était beaucoup plus grand. Picard, vous savez, Auguste, celui qui a inventé le ballon stratosphérique, ouais, et dont le fils a fait le bathyscaphe, qui détient toujours le record de plongée, et dont le petit-fils fait les pilotes de l'avion solaire, qui est un personnage tout à fait extraordinaire. Et il était suisse, mais il habitait Bruxelles, et Hergé le croisait souvent, et il s'est inspiré de lui. Bien, un personnage important, c'est Chang, parce que, alors lui, il passe, mais il est important dans la vie réelle d'Hergé, oui, et important dans la vie dessinée de Tintin. Parlez-nous de ce personnage chinois qui traverse le réel et la fiction. Alors, il traverse le réel et la fiction de manière tout à fait énigmatique. Parce que, effectivement, dans les années 20, un jeune étudiant chinois a fait la connaissance à Bruxelles de Hergé. Ils sont devenus très amis sur un temps assez bref. Et puis, il est reparti, ils se sont perdus de vue. Et des années plus tard, donc Hergé s'en est inspiré pour faire le Chang du Lotus Bleu et le Chang de Tintin au Tibet. Un personnage qui ne vieillit pas à 30 ans d'écart. C'est ça qui est merveilleux dans cette saga. C'est et ça que, passera. Voilà. Comment dire, le temps est une dimension de l'espace chez Hergé. C'est ce qui fait aussi que son œuvre est géniale. C'est que le temps n'a pas de prise sur les personnages. Et donc, Chang revient. Il y a en 81, je crois, 2 ans avant la mort d'Hergé. Et là, on peut le dire maintenant, les gens qui ont été proches d'Hergé à ce moment-là, Hergé leur a confié, après le retour de Chang, qui a été organisé, grand tralala, avec des émissions de télé, Hergé était terriblement déçu, il l'a confié après. Et moi, ma théorie, c'est que le Chang qui est revenu n'était pas le Chang de son enfance. Et je me plais à penser que c'était peut-être même un agent secret communiste. Et j'ai toute une théorie là-dessus, mais bon, je peux pas la développer ici. Non, ça serait trop long, c'est pas parce puis que je c'est... veux pas me faire empoisonner à coups de parapluie pointu en sortant bon. Des studios. Bon, on va dire que c'est parce que vous n'avez pas eu le temps. Hein. Oui, voilà. Dans une interview, vous expliquez aussi le personnage de Martin van de Zande. Je sais pas si on prononce comme ça. C'est oui, très bien. Vous revenez Martin également. Van de Zande, oui. Van de Zande. Vous revenez également dans la préface de votre livre, Le Dictionnaire Amoureux. Je vous cite, hein. Je me doute, virgule, dit Martin van de Zande, dans votre introduction de la richesse et de l'ampleur des thèmes abordé dans votre ouvrage, mais à tous les coups, quand il paraîtra, vous verrez que des questions sur le rôle des femmes, sur l'amour et le sexe dans les aventures de Tintin ne manqueront pas d'être posées. Alors, puisque ces questions, vous les posez à vous-même, par l'intermédiaire de cette jeune femme, je vous les pose. Ben parce qu'il a été beaucoup reproché à Hergé qu'il n'y ait pas de femmes dans ses albums. Mais enfin, si on prend toute la BD franco-belge jusque dans les années 70, il y a de la BD pour garçons et de la BD pour filles. Hergé, lui, il s'en sort, c'est que Hergé, il est à la fois fille et garçon. Il est androgyne. C'est pour ça que les albums de Tintin ont pu être lus par beaucoup de petites filles, de jeunes filles et de femmes, parce qu'elles n'étaient pas perdues en voyant Tintin qui est androgyne. Et Martine van de Zande, c'est très intéressant, elle apparaît à la fin et elle en pince pour Tintin et Tintin en pince pour elle. Et c'est dans l'ultime aventure inachevée, c'est comme si Hergé, avant de mourir, disait à Tintin, maintenant tu peux vivre ta vie, hein, t'as droit aux gonzesses, et parce que lui-même avait beaucoup changé et lui-même savait qu'il allait passer la main et que Tintin pouvait aller vivre vraiment maintenant. C'est amusant ce que vous avez dit. Vous avez dit il y a pas de femme. Non, il y a la Castafiore, mais c'est pas une femme. Justement. Mais c'est pas une femme. Bon, voilà, une des rares femmes dans les albums n'en est pas une. Toute dernière chose, Albert Alou, quels étaient les rapports d'Hergé avec les autres dessinateurs contemporains, tous ceux qui formaient cette école de Bruxelles avec Hergé, Édouard Pijacob, l'auteur de Black et Mortimer, par exemple? Alors, il a eu des rapports, j'allais dire, amicaux et tendus, hein, parce que quand Jacobs a volé de ses propres ailes, ça n'a pas beaucoup plu à Hergé, puisqu'il c'était un collaborateur magnifique qui a collaboré à des albums dont il a redessiné les décors, il a nourri les scénarios de son imagination. Il y avait toute une école effectivement autour de Tintin, puis il y avait le journal rival qui était Spirou, mais Hergé par exemple admirait beaucoup Franquin. Au sortir d'une expo à Angoulême, peu de temps avant de mourir, sortant de l'expo Franquin, il avait dit c'est un génie tout à fait remarquable. Donc c'est très touchant, parce que Hergé était un petit peu jaloux, par exemple, il était jaloux du succès d'Astérix à la fin. C'est pour ça qu'il s'était remis à refaire des albums, il en faisait un tous les 8 ans, alors que Astérix était tous les ans, c'était des millions d'exemplaires. Hergé avait été presque blessé et vexé. Mais il avait des admirations sans jalousie. Mille sabords, c'est déjà fini. Oh là, ça passe vite. Hein. Vous étiez très bien, Albert Algou. Je dirais même plus. Vous étiez très bien. Merci beaucoup. C'est gentil. À bientôt. C'était Affaires Sensibles, la fiction aujourd'hui. Hergé, le père de Tintin, apôtre de la ligne claire. Une fiction écrite par Léo Kosten, réalisée par Michel Sidorov et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Anne-Laure Cochet.